بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication du livre Riyad al-Salihin, le sharh du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et on est toujours en train d'expliquer le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, lorsqu'il était malade et qu'il était à Mecca après la conquête de la Mecque. Et donc, on a expliqué dans les cours précédents les questions qui ont rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le visiter pendant sa maladie. Et on a parlé également de la question de l'héritage et que le malade, il ne doit pas donner plus que le tiers de ses biens, hein, lorsqu'il est proche de la mort, parce que ça c'est al-wasiya, et al-wasiya, il ne faut pas que ça dépasse le tiers. Et on a mentionné également la parole, wa alaykum salam wa rahmatullah, on a mentionné aussi la parole de Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, qui disait que même al-rub' c'est mieux de donner le quart. C'est mieux que de donner un tiers parce que arroba, c'est plus petit qu'un tiers. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, tu peux donner le tiers, mais le tiers c'est beaucoup. Étant donné qu'il lui a dit que le tiers c'est beaucoup, Abdullah ibn Abbas, il a dit, ça c'est la preuve que c'est mieux de donner moins que le tiers. Et donc il a dit, par exemple, donner un quart. Non. Donc on a parlé de tout ça et yani, subhanallah, il a dit aussi même certains parmi les ulama, ils ont mentionné même un cinquième, de donner un cinquième c'est mieux encore, puisque c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préféré, a ordonné pour lui-même et pour son messager, al-khumus, hein? Donc al-khumus c'est un cinquième. Bon, pour continuer parmi les points bénéfiques de ce hadith, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, il dit: وَمِنْهَا إِذَا كَانَ مَالُ الْإِنسَانِ قَلِيلًا وَكَانَ وَرَثَتُهُ فُقَرَاءَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُوصِي بِشَيْءٍ لَا قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرْهُمْ عَالَةً. خلافا لما يظنه بعض العوام أنه لا بد من الوصية، وهذا خطأ. الإنسان الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال، لا ينبغي له أن يوصي، الأفضل أن لا يوصي. ويظن بعض العامة أنه إذا لم يوصي فإنه لا أجر له، وليس كذلك، بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذا. وإن كان الورثة يورثونه قهرا، لكن إذا كان مسترشدا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إنك إن تذرهم أو إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، فإن أجره بذلك أفضل من أن يتصدق عنه شيء من ماله أو أن يتصدق عنه شيء من مال بشيء من ماله. Donc ici le cheikh il explique que si quelqu'un par exemple il n'a pas beaucoup d'argent et que ses héritiers sont des gens qui sont pauvres, c'est mieux pour lui de ne pas laisser rien ou de ne rien léguer en testament, que ce soit peu ou beaucoup. C'est-à-dire de rien léguer du tout. Vous comprenez qu'est-ce qu'on veut dire ici par... Oui, à des gens qui sont en dehors de ses héritiers. Parce qu'on a expliqué au dernier cours la différence entre l'héritage et le testament en islam. Le testament, c'est ce que quelqu'un peut léguer à des gens qui sont en dehors de ses héritiers. C'est-à-dire les gens qui ne font pas partie de ses héritiers, il peut décider d'écrire un testament pour leur donner une part de son argent, sauf qu'il ne faut pas que cette que ce legs qu'il a laissé dans son testament dépasse la valeur d'un tiers de sa richesse ou de ce qu'il possède. Il ne peut pas donner plus qu'un tiers. On a expliqué tout ça tout à l'heure. Et même que c'est mieux qu'il donne un quart ou même un cinquième. Hein? Mais si ses héritiers sont pauvres, c'est mieux qu'il ne laisse rien du tout dans son testament à quelqu'un d'autre, pour que les héritiers puissent avoir suffisamment pour eux. Parce que s'il donne un tiers aux gens qui ne sont pas ses héritiers dans son testament, ça veut dire que ses héritiers, eux, vont avoir moins. Ils vont seulement avoir deux tiers au lieu d'avoir l'entièreté, hein, l'héritage au complet. Donc, le cheikh, il explique que si tes héritiers sont pauvres, c'est mieux que tu leur laisses à eux tout l'héritage au complet plutôt que de laisser un legs à des gens qui ne sont pas parmi les héritiers. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est mieux pour toi de laisser tes héritiers riches plutôt que de les laisser dans la pauvreté, alors qu'ils vont être dans la pauvreté, ils vont être obligés de demander aux gens. Hein, ils vont dépendre des gens. Contrairement à ce que des gens parmi les awam, c'est-à-dire les musulmans du commun, ils s'imaginent qu'il faut absolument faire un testament. Et le cheikh dit, ça c'est une erreur de penser ça. Ce n'est pas obligatoire pour un musulman de faire un testament pour léguer de l'argent à des gens qui sont en dehors de ses héritiers. Il dit, ça c'est une erreur. Il dit, parce que l'être humain qui a de l'argent, et que son argent, il n'y en a pas beaucoup déjà à la base, et que ses héritiers sont pauvres, ils n'ont pas beaucoup d'argent, alors il ne faut pas laisser de l'héritage à l'extérieur. Le mieux, c'est de ne pas donner de pas faire de testament du tout pour léguer à d'autres personnes. Il dit qu'il y a aussi d'autres gens qui pensent que, parmi les awam, parmi le commun des musulmans, qui pensent que si quelqu'un n'a pas laissé de l'argent en testament, qu'il n'aura pas de récompense. Qu'il n'aura pas de récompense. Parce qu'il pense que la récompense, c'est seulement pour l'héritage, pour le testament. Il pense que la récompense, dans ce qu'il a laissé de ses biens après sa mort, c'est seulement pour Yanni. Qu'est-ce qu'il a légué dans son testament? Mais ce qu'il donne dans l'héritage, ou ce qui est distribué de ses biens selon l'héritage, il pense que pour ça, il n'a pas de récompense. Alors le cheikh, il dit non, c'est pas correct, c'est pas vrai de penser ça. Il dit que si tu laisses de l'argent pour tes héritiers, eh bien tu auras une récompense pour ça. Donc ça veut dire que la personne qui décède, elle reçoit une récompense pour l'argent qu'elle a laissé dans son héritage. Hein? Même si ce n'est pas un legs, ou même si ce n'est pas quelque chose qui fait partie d'un testament qu'il a laissé. À la base, dans l'islam, le kafir, il n'hérite pas du musulman, et le musulman, il n'hérite pas du kafir. Ça, c'est interdit dans l'islam. D'accord? D'accord. Donc, la différence, pourquoi, qu'est-ce que les ulama ont dit, qu'est-ce qui est permis, c'est de prendre qu'est-ce qui t'a été laissé dans le testament du défunt, s'il est mécréant, et qu'il t'a légué quelque chose dans son testament, ça tu peux le prendre. Mais ce qui est distribué de l'héritage selon les proportions qui sont déterminées par le droit des koufars, ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Ça, tu n'as pas le droit d'y toucher. Tu comprends la différence? Ok. Est-ce que tu comprends la différence entre le testament puis l'héritage? C'est quoi la différence? Explique-moi. Le défunt. Oui. L'héritage, c'est disons l'argent. Si quelqu'un n'a pas désigné des personnes spécifiques à qui il va laisser l'argent, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe en général dans l'islam? on va donner l'argent aux héritiers selon les proportions qui ont été déterminées par Allah et son messager dans le Coran et dans la Sunna. Ça, c'est l'héritage. Le testament, c'est qu'est-ce que le défunt a laissé pour des gens qui ne font pas partie de ses héritiers. Mais chez les koufars, c'est différent. Puisque les koufars, s'ils veulent laisser tout leur argent à une seule personne, ils peuvent écrire ça dans son testament. C'est-à-dire qu'un kafir, s'il veut, il peut laisser tout son argent à une personne, même s'il prive tous ses héritiers. Parce que il n'y a pas de détails comme ça dans les... C'est-à-dire, c'est eux qui décident, en fait, à qui ils veulent laisser leur argent. Et donc, c'est pour cette raison-là que, parfois, s'il n'y a pas eu de testament, ils vont donner l'argent selon qu'est-ce qui a été prédéterminé par les lois. Par la loi, elle dit, bon, le père, il va recevoir telle somme, puis la mère va recevoir telle somme, puis le frère et les sœurs et les enfants, ils vont recevoir telle somme. Tout ça, c'est déterminé par le droit. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'y toucher. Mais si c'est quelque chose que le défunt, il t'a laissé directement, il a mentionné ton nom, il a dit, je laisse telle chose à telle personne, ça, dans ce cas-là, tu as le droit de le prendre. Parce qu'il te l'a donné, il a écrit ça pendant qu'il était en vie. Donc, c'est comme s'il t'a fait un don. Hein? C'est pas la même chose que l'héritage. Tu comprends? Non. Donc, ici, donc le cheikh, il a expliqué maintenant que il y aura une récompense pour le défunt dans l'héritage qu'il a laissé, hein, pour les héritiers. Et il sera récompensé pour ça. Donc, ce n'est pas seulement pour le testament qu'il sera récompensé, mais il sera aussi récompensé pour ce qui a été laissé comme héritage, même si ses héritiers vont hériter de lui malgré lui. D'accord? C'est-à-dire que le défunt, par exemple, s'il y a quelqu'un parmi les héritiers que lui, il ne voulait pas, hein, il ne voulait pas que lui, il hérite de lui. Mais il va hériter de lui quand même, parce que ça, ce n'est pas lui qui décide qui hérite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala et son messager qui décident qui hérite de quoi. Donc, même si lui, il n'aurait pas souhaité que cette personne hérite de sa part, mais il sera récompensé pour ça quand même. Hein? Parce qu'il est récompensé pour qu'est-ce qui est laissé pour ses héritiers après sa mort. Il dit, « Walakin idha kana mustarshidan » Il dit, si il se référait à la guidance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la parole qu'il a laissée pour dire c'est mieux de laisser tes héritiers comme riches plutôt que pauvres, et qu'à cause de ça, il a dit je ne vais pas donner de testament, je ne vais pas laisser de testament, je vais tout donner mes biens à mes héritiers seulement, et qu'il se base sur ce hadith-là, là c'est clair qu'il aura une récompense, et que sa récompense sera encore meilleure. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de rien donner à d'autres personnes et de tout laisser à ses héritiers pour qu'ils soient plus riches ou pour qu'ils soient moins dans le besoin et pour qu'ils n'aient pas besoin de demander aux gens. Donc, il aura plus de récompenses que s'il aurait donné à des gens en dehors de ses héritiers. Donc, il dit « فَإِنَّ أَجْرَهُ بِذَلِكَ أَفْضَلْ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقْ عَنْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ » Donc, sa récompense pour ça, elle sera meilleure que de donner en sadaqa dans un testament ou des choses comme ça. Est-ce que c'est compris? Ouais, qu'est-ce que tu laisses dans ton testament à quelqu'un qui ne fait pas partie de tes héritiers? C'est comme une sadaqa en même temps. Mais qu'est-ce que tu laisses aussi à tes héritiers dans l'héritage? Ça compte aussi comme une sadaqa. Hein? Même dans le sens que tu vas être récompensé pour ça. Même si ce n'est pas toi qui décides. D'accord? C'est compris? Exactement. Barakallahu fik. C'est exactement ça. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit par rapport à la sadaqa, « Ibda biman ta'oul ». C'est-à-dire, commence ta sadaqa par ceux qui sont sous ta charge et que c'est toi qui es responsable d'eux. c'est toujours mieux de donner sadaqa à ta famille, à toi-même, à ta famille, à tes enfants, à ta femme, à tes proches, que de donner à des étrangers. Et même qu'est-ce que tu donnes à ta famille comme argent ou comme nourriture, ou comme vêtements, ou tout ce que tu dépenses pour ta famille, c'est une sadaqa. Tu as une récompense pour ça. Donc tout ça, c'est important. Et le cheikh, il dit ensuite, « Wa minha khawfu sahabati al-muhajirin min Makkah an yamutu fiha. » لأن سعدا رضي الله عنه قال أخلف بعد أصحابي فهذه الجملة استفهامية والمعنى أخلف وهذا استفهام توقعي مفروض يعني أنه لا يحب أن يتخلف فيموت في مكة وقد خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله. Donc ici, le cheikh, il explique que par la suite, le compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, il a mentionné donc que, il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je vais être laissé derrière après mes compagnons? Pourquoi il demande ça? Parce que les sahaba, parmi les muhajirin, c'est-à-dire ceux qui étaient à Makkah et qui ont quitté Makkah pour aller à Médine, ils n'ont pas le droit de retourner vivre à Makkah, même après la conquête de Makkah. Parce qu'ils ont donné, ils avaient une obligation de faire la hijra de Makkah à Médine et ils ont quitté Makkah. Donc ils n'ont pas le droit de retourner à Makkah parce qu'ils ont fait la hijra de Makkah. Et toute personne qui fait la hijra d'un endroit pour Allah et qu'il a quitté cet endroit-là pour Allah, il n'a pas le droit d'y retourner pour y vivre. Il a le droit d'y retourner pour un court temps, mais il n'a pas le droit d'y retourner pour y rester pour toujours. D'accord? Les sahaba, ils avaient le droit de rester 3 jours à Makkah. Après, ils devaient retourner à Médine. Donc, ici, on voit que Sa'd ibn Abi Waqqas, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je vais être laissé derrière après mes compagnons, en voulant dire, eux, ils vont retourner à Médine, tandis que moi je vais être laissé ici à Makkah, je ne voudrais pas mourir ici. Donc en fait, le cheikh il explique que ça c'est une question que Sa'd ibn Abi Waqqas pose parce que il ne voudrait pas mourir à Makkah après avoir quitté Makkah en tant que muhajir qui a fait la hijra vers Allah et son messager. Le cheikh il dit ensuite « Wa minha dhuhuru mu'jizatin li rasulillah » صلى الله عليه وسلم وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تخلف وسوف تخلف حتى يضر بك أقوام وينتفع بك آخرون فإن الأمر كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم فإن سعدا عمر إلى خلافة معاوية وهذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن أمر مستقبل فيقع كما أخبر به ولكن هذا ليس خبرا محضا ولكن توقع لقوله لعلك أن تخلف يعني فلم يجزم ولكن كان الأمر كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique ici que il y a un miracle dans ce hadith là parmi les miracles du prophète صلى الله عليه وسلم et c'est le fait que il a répondu à la question de Sa'd ibn Abi Waqqas en lui disant non, tu vas pas être laissé derrière. Plutôt quand tu vas être laissé derrière, tu ne vas pas être laissé derrière jusqu'à ce que tu aies fait du tort à des gens et que tu aies profité d'autres. Et l'affaire s'est produite plus tard dans l'avenir, ça s'est réalisé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit. Hein, comme il l'avait présenté ou comme il l'avait supposé. Et Sa'd, radiallahu anhu, a continué, a vécu très longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement il est retourné à Médine, mais il a vécu très longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au khilafa de Muawiyah. Donc ça veut dire qu'il a vécu bien longtemps par la suite. Alors qu'à ce moment-là, dans l'histoire qui est mentionnée dans ce hadith, à ce moment-là, lui, il craignait qu'il allait mourir à Mecca. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a posé la question, est-ce que je vais être laissé derrière, est-ce que je vais mourir ici à Mecca? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu ne vas pas mourir ici. Tu ne vas pas être laissé derrière ici. Mais lorsque tu seras laissé derrière, c'est-à-dire lorsque tu vas mourir, ce sera après avoir fait du tort à des gens et du bien à d'autres. Et effectivement, plus tard par la suite, eh bien, Saad ibn Abi Waqqas a été la cause de grandes conquêtes pour l'islam. Et il a fait tomber un empire au complet. Donc, ce n'est pas une petite conquête, une immense conquête. Non, les Perses. Il a été le commandant de l'armée des musulmans qui a combattu dans la guerre ou dans la bataille de Al-Qadisiyah, qui a été une des plus grandes batailles dans l'histoire de l'islam à l'époque des Sahaba, et il a écrasé l'empire perse au complet. Donc à l'époque des Sahaba, il y avait l'empire perse et il y avait l'empire romain. C'était les deux grands empires dans le monde entier, les deux plus puissants empires. Et bien Saad ibn Abi Waqqas, il a écrasé l'empire perse au complet. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, le cheikh, il explique que ça fait partie des signes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il lui a informé d'une chose qui avait rapport avec l'avenir, et la chose s'est produite tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Même si ce n'était pas une affirmation pure, mais c'était une supposition qu'il a donnée, et sa supposition s'est avérée être telle qu'il l'avait prédit, telle qu'il l'avait annoncé. Parce qu'il a dit « La'allaka »« La'allaka antukhallaf » Après, le cheikh, il donne un autre point bénéfique dans ce hadith-là, et c'est le suivant. Il dit wa minha annahu ma min insanin ya'malu amalan yabtaghi bihi wajha Allah illa izdada bihi raf'atan wa darajatan hatta wa in kana fi makanin la yahillu lahu al-baqa' fihi li'anna al-'amal shay' wal-baqa' shay'un akhar. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة فإن صلاته صحيحة لأنه النهي ليس عن الصلاة بل عن الغصب فالنهي منصب على شيء غير الصلاة فتكون صلاته صحيحة في هذا المكان المغصوب لكنه آثم ببقائه في هذا المكان المغصوب. نعم، لو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلي في أرض مغصوبة لقلنا إذا صليت في الأرض المغصوبة فصلاتك باطلة، كما نقول إنك إن صليت في المقبرة فصلاتك باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا غير صلاة الجنازة لأنها تجوز حتى في المقبرة. Donc ici le cheikh il explique, il dit que parmi les points bénéfiques qu'on peut tirer dans ce hadith, c'est que si par exemple quelqu'un il fait un acte de bien et qu'il le fait en recherchant le visage d'Allah, c'est-à-dire il fait un acte de bien et il le fait avec sincérité. Et le cheikh dit, s'il fait un acte de bien et qu'il le fait avec sincérité uniquement pour le visage d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va l'augmenter en degré et en niveau. même si l'acte de bien qu'il a fait était fait dans un endroit où il n'avait pas le droit de rester. C'est-à-dire, si c'est un endroit dans lequel tu n'avais pas le droit de rester, ou un endroit dans lequel c'est haram pour toi d'être, mais que tu fais quelque chose de bien dans cet acte, dans cet endroit-là, eh bien, tu seras quand même récompensé et élevé en degré pour cet acte-là, parce que l'acte, c'est une chose, et le lieu, et le fait de rester dans ce lieu-là, c'est une autre chose. C'est comme si c'était séparé les deux. Le fait de rester dans un endroit où ce n'est pas permis pour toi d'être, ça c'est haram pour toi, c'est un péché. Mais l'acte que tu fais dans cet endroit-là, si c'est un acte de bien, l'acte de bien que tu fais, tu seras récompensé pour ça quand même. C'est ça que le cheikh, il explique ici. Il dit que ça, c'est la position correcte et la plus proche de la vérité. Parmi... Hein? Attends. Il dit ça, c'est la position correcte parmi les positions des hommes de science par rapport à la question, et ça, c'est une question qui revient régulièrement dans les livres de fiqh lorsqu'on étudie... ce sujet-là, de la prière qui est faite sur une terre qui a été usurpée. C'est-à-dire que si tu pries sur une terre, mais cette terre-là, elle ne t'appartient pas, mais tu l'as pris illégalement. Est-ce que ta prière sera valide? Même si tu pries sur une terre qui est usurpée. Et les ulama, ils disent que la position correcte à ce sujet-là, c'est que ta prière, elle sera valide. Malgré l'interdiction de faire la prière dans un endroit qui est, c'est-à-dire malgré l'interdiction d'usurper ou de voler ou de prendre qu'est-ce qui t'appartient pas. Donc de prendre une terre qui n'est pas la tienne, ça c'est haram. Mais de prier sur cette terre-là, disons que cette bonne action-là que tu as fait sur cette terre-là, elle sera valide. Mais qu'est-ce qui n'est pas correct, c'est d'avoir usurpé cette terre. D'accord? Donc, l'interdiction, elle n'est pas sur... elle ne touche pas à la validité de la salat. L'interdiction d'usurper le terrain n'affecte pas la validité de la salat. Donc, même si tu as un péché dans le fait d'être sur cette terre-là qui n'est pas à toi, eh bien, ça n'affecte pas la validité de la salat. Il dit, s'il y avait eu un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait dit, la prière sur une terre usurpée, elle n'est pas valide, alors dans ce cas-là, on aurait dit, si tu pries sur une terre usurpée, ta salat sera invalide. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas comparable à celui qui fait la salat dans un cimetière, par exemple, ou qui fait la salat dans un endroit impur, la toilette par exemple. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que la terre entière est une mosquée. La terre entière est une mosquée, excepté le cimetière ou la toilette. D'accord? Ça c'est deux choses ou deux endroits où on n'a pas le droit de prier. Et il dit, ça c'est excepté la salat de janaza, parce qu'on a le droit de la faire, excepté hada ghair salat al-janaza innaha tajouz. C'est-à-dire, la janaza, on a le droit de la faire dans le cimetière, mais pas la salat régulière. La janaza, c'est la prière des funérailles. On peut la faire. Il n'y a pas de sujoud et il n'y a pas de recours dedans. C'est pour ça qu'elle est permise, même dans le cimetière. Mais la prière ordinaire qu'on fait, on n'a pas le droit de la faire dans le cimetière. Et ensuite, le cheikh, il donne un autre point. Il dit, وَمِنْهَا أَنَّ الْإِنسَانِ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً يَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهَا حَتَّى النَّفَقَاتِ عَلَى أَهْلِهِ. Pourquoi il mentionne ça, peut-être, le cheikh, ici, par rapport à l'action que tu fais dans un endroit où tu n'as pas le droit d'être? C'est probablement parce qu'il veut faire allusion à la question de la hijra. Et que Saad ibn Abi Waqqas, étant donné qu'il fait partie des muhajirines, il n'avait pas le droit de rester à Mecca. C'est comme pour dire que même si il n'avait pas le droit de rester à Mecca, et que s'il est dans ce lieu-là, puis qu'il fait une bonne action, ben, il serait quand même récompensé, même s'il n'avait pas le droit d'y rester. C'est dans ce sens-là. Tu comprends? Wallahu ta'ala a'lam. Et après, le cheikh, il explique, donc, il dit, وَأَنَّ الْإِنسَانِ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً يَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهَا حَتَّى النَّفَقَاتِ عَلَى أَهْلِهِ وَعَلَى زَوْجَتِهِ بَلْ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ أَثَابَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا. Donc, il dit, le cheikh, ici, justement, que la personne, lorsqu'elle donne, elle dépense de son argent en cherchant le visage d'Allah, elle sera récompensée pour ça, même dans les dépenses qu'elle fait pour sa famille, pour sa femme, pour lui-même. Même quand tu dépenses pour toi-même, tu t'achètes des vêtements, tu t'achètes de la nourriture, tu t'achètes des choses pour toi, et tu le fais pour Allah, hein, pour avoir la récompense d'Allah, eh bien tu seras récompensé pour ça. Et si tu trouves que c'est trop froid, tu peux aller éteindre. Hein? Barakallahu fik. Le cheikh dit, وَفِيهِ إِشَارَةٌ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ نِيَّةَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ مَا يُنْفِقُ حَتَّى يَكُونُ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ. Donc, il dit que on peut mentionner à ce sujet-là le fait qu'il y a une indication que la personne doit toujours avoir en lui l'intention de se rapprocher d'Allah dans tout ce qu'il dépense, pour qu'ils reçoivent cette récompense-là. Parce que des fois, les gens, ils vont dépenser de l'argent pour eux-mêmes ou pour leur famille, mais ils le font comme une sorte d'habitude. Hein? Ou bien comme s'ils disent, j'ai pas le choix de le faire. Donc, ils le font, mais sans nécessairement que ce soit dans le but de recevoir la récompense d'Allah. Alors, ça, c'est... Hein, c'est dommage, parce que pour obtenir la récompense, il faut avoir cette intention-là, de faire ça pour Allah. Donc, il faut s'en rappeler constamment. Le cheikh, il dit ensuite, وَقَوْلُهُ أَلَّهُمَّ أَمْضِي لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ أَنْ يُمْضِي لأصحابه هجرتهم وذلك بثباتهم على الإيمان وبقائهم في الأوطان التي هاجروا إليها من مكة ولهذا قال ولا تردهم على أعقابهم الرد على العقب يعني الكفر بعد الإسلام والعياذ بالله كما قال تعالى وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَقَوْلُهُ وَلَكِنَ الْبَائِسُ سَعْدِ بْنُ خَوْلَةِ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Ok, donc on va expliquer ça après. Le cheikh, il dit tout de suite, donc le prophète صلى الله عليه وسلم, il a fait un dua, hein, pour ses compagnons. Il a dit, ô Allah, fais que la hijra de mes compagnons continue et fais en sorte qu'ils ne reviennent pas sur leurs talons. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à son Seigneur de faire en sorte que les compagnons continuent à rester fermes sur la foi dans la hijra qu'ils ont fait et qu'ils ne reviennent pas sur leurs talons, c'est-à-dire qu'ils ne retournent pas à la mécréance après avoir accepté l'islam. Parce que c'est ça ce que ça signifie, le fait de retourner sur ses talons. Et il mentionne le verset 217 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et quiconque d'entre vous apostasie de sa religion et meurt alors qu'il est mécréant, alors ceux-là, leurs œuvres seront vaines dans la dunya, dans cette vie d'ici-bas, et dans l'au-delà. Ceux-là sont les compagnons de l'enfer, où ils y demeureront éternellement. Ensuite, il dit, وقوله ولكن البائس سعد بن خولة يقول النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن خولة رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة ولكن الله قدر أن يموت فيها فمات فيها فرثى له النبي صلى الله عليه وسلم أي توجع له أن مات بمكة وقد كانوا يكرهون للمهاجر أن يموت في الأرض التي هاجر منها وهذا ما تيسر من الكلام على الحديث والمؤلف رحمه الله ذكره في باب النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة وقال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص في كون الإنسان يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله حتى ينال على ذلك الأجر زيادة الدرجات والرفعة عند الله عز وجل والله الموفق. Donc, والله الموفق. Donc, il dit le Cheikh ici que Sa'd ibn Khawla, c'est lui qui a été le malheureux. Dans quel sens? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Pourquoi? Parce que Sa'd ibn Khawla faisait partie des muhajirines. Et il avait donc quitté la Mecque pour aller à Médine, mais Allah a prédestiné qu'il meure, alors il est mort à Mecca. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc exprimé sa tristesse envers lui. Et pourquoi? Parce que les sahabas détestaient mourir dans l'endroit duquel ils avaient fait la hijra. Et donc, le cheikh dit ensuite que voici ce qui était possible pour nous de clarifier de ce hadith. Et pourquoi l'auteur, l'imam al-Nawawi, il a mentionné ce hadith-là dans le chapitre de l'intention? C'est à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsqu'il dit, si tu fais une action dans laquelle tu recherches le visage d'Allah, eh bien tu ne vas faire qu'augmenter en degré par cette action et en élévation. Donc Allah va t'élever par cette action-là. Et puis il lui a dit, et tu ne vas pas dépenser ou faire une dépense dans laquelle tu vas rechercher le visage d'Allah, excepté que tu seras récompensé pour ça. Et donc ça c'est comme si ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous incite et il nous indique l'importance de l'ikhlas, c'est-à-dire de la sincérité, dans le fait que la personne, lorsqu'elle fait des actes et lorsqu'elle dépense de ses biens, elle doit rechercher le visage d'Allah pour obtenir la récompense et pour pouvoir s'élever en degré et en élévation auprès d'Allah. Et c'est Allah qui donne le succès. Donc c'est ça en fait la raison pourquoi ce hadith-là, il s'est retrouvé dans le chapitre de l'intention et que l'imam Nawawi l'a placé ici. Parce que dedans, il y a cette indication-là du fait de rechercher le visage d'Allah dans nos actions. Ensuite, il y a un autre hadith dans ce chapitre qui est le hadith numéro 8. Et c'est le hadith suivant. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, ou selon Abu Huraira radiallahu anhu, par l'imam muslim. Et Abu Huraira, c'est sa kunya, son nom c'est Abdurrahman ibn Sakhr. Donc Abu Huraira, on l'a appelé Abu Huraira parce que il avait un chaton et il l'aimait beaucoup et il était tout le temps avec son chaton. À cause de ça, on l'a appelé le père du chaton. Et parce que Hir, en arabe Hir, c'est le chat, et Huraira, c'est la forme petite de Hir. D'accord? Alors, son vrai nom, c'est Abdurrahman ibn Sakhrin. C'est le compagnon, je crois, qui a rapporté le plus grand nombre de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, savait que Abu Huraira, c'était justement un des compagnons qui était consacré, hein, et qui consacrait tout son temps à la mémorisation des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça son travail. Il passait toutes ses journées avec le messager d'Allah pour écouter ses paroles et les mémoriser. Et il dit, wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah ne regarde pas vos corps et vos apparences. Plutôt, il regarde vos cœurs et vos actions. Donc ça, c'est un hadith extrêmement important. Et le cheikh, il explique ce hadith. Il dit, « وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَفِي لَفْظٍ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَهَذَا وَهَذَا الحديث يدل على ما يدل عليه قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو صغيرة أو صحيحة أو سقيمة ولا ينظر إلى الصور هل هي جميلة أو ذميمة؟ كل هذا ليس بشيء عند الله وكذلك لا ينظر إلى الأنساب هل هي رفيعة أو دنيئة؟ لا ينظر إلى الأموال ولا ينظر إلى شيء من هذا ليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب وكان عند الله أكرم إذن لا تفتخر بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بسيارتك ولا بشيء من هذه الدنيا أبدا إنما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله عليه. Donc ça c'est un hadith immense, très important. Hein, grandiose dans sa signification. Et le cheikh, il explique ici, il dit, il y a deux narrations par rapport à ce hadith. Une narration qui dit, Allah ne regarde pas vos corps et vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Et une autre narration qui termine en disant, vos cœurs et vos actions. Hein, parce que des fois, il y a des soufis, hein, ils disent, ils regardent nos cœurs. C'est-à-dire, même si tu fais rien, hein, même si tu fais aucune action, si ton cœur, il est bon, c'est ça l'important. Et ici, le fait qu'il y ait la clarification dans le hadith et vos actions, donc ça veut dire que les actions et le cœur, ça va ensemble. Comme dans l'autre hadith, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, yani, inna fil jasadi mudra, idha saluhat, saluha al jasadu kullu, wa idha fasadat, fasad al jasadu kullu. Il y a un morceau dans le corps, s'il est mauvais, s'il est bon, tout le corps va être bon. Et s'il est mauvais, tout le reste sera mauvais. C'est le cœur. Donc, les actions et le cœur, il y a une relation directe entre les deux. Et le cheikh, il explique ici, il dit que ce hadith-là, il est supporté par, dans sa signification par un verset, qui est le verset 13 dans Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie « Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons fait des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, c'est celui qui a le plus de taqwa, c'est-à-dire celui qui se préserve plus d'Allah en s'écartant de ce qu'il a interdit et en faisant ce qu'il a ordonné. » Donc, ici, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il ne regarde pas ses serviteurs dans leur corps, hein, physiquement. Il ne regarde pas est-ce qu'ils sont grands, Est-ce qu'ils sont petits? Est-ce qu'ils sont gros? Est-ce qu'ils sont maigres? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce qu'ils sont malades? Hein? Est-ce qu'ils sont beaux? Est-ce qu'ils sont laids? Ils ne regardent pas ça. Ils ne regardent pas non plus les liens de parenté ou la lignée d'une personne, sa généalogie, son rang social, son statut. Est-ce qu'il est high-born ou low-born? Hein? High-born, ça veut dire que tu es né dans une famille de la classe dirigeante ou de la classe de la haute société. Et low-born, ça veut dire que tu es de la basse société, ça veut dire que tu fais partie des gens pauvres, des gens simples, des artisans, des paysans. Tu ne fais pas partie de la noblesse. Allah, il ne regarde pas ça. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde ton cœur et tes actions. Et donc, toutes ces autres considérations-là, qui sont souvent les choses les plus importantes pour les hommes. Si tu regardes, par exemple, surtout chez les koufars, les gens, ils se divisent entre eux selon leur apparence. Si quelqu'un, il est noir, si quelqu'un, il est blanc, hein, le blanc, il ne va pas être avec les noirs. Les noirs, ils ne vont pas être avec le blanc. Peut-être qu'il y a des groupes qui vont se faire. Si quelqu'un, il est gros, ils ne vont pas l'accepter parce qu'il va dire, lui, il est gros. Nous, on n'accepte pas les gros, on n'accepte que les maigres. Et d'autres, ils vont dire, ah, nous, on est par exemple le groupe des gens qui sont beaux. On n'accepte pas de lait parmi nous. Hein? Et surtout, tu vois les jeunes. Hein, dans les écoles, ils font des groupes comme ça aussi. Hein? Le groupe de personnes populaires qui n'acceptent pas les autres et les critères sur lesquels ils se basent pour déterminer qui rentre dans le groupe et qui sort, c'est par rapport à des caractéristiques extérieures, physiques, de l'apparence seulement. Ou bien c'est des fois une question de richesse. Tu as de l'argent, tu rentres. Tu n'as pas d'argent, tu ne rentres pas. Toutes ces choses-là ne sont pas des choses que Allah subhanahu wa ta'ala donne de l'importance. Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne vaut rien ça pour lui. Le cheikh, il dit, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde? C'est la seule chose qui détermine un lien entre Allah et sa création, c'est la piété. C'est at-taqwa. Sinon, en dehors de ça, il n'y a aucun autre lien entre le créateur et la créature. Donc, celui qui a plus de piété et qui craint plus Allah et qui se préserve plus d'Allah, eh bien, c'est lui qui est plus proche d'Allah. Et c'est lui qui est plus noble pour Allah. Donc, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas te sentir fier parce que tu as beaucoup d'argent. Tu ne dois pas te sentir fier parce que tu es plus beau ou plus belle. Tu ne dois pas te sentir fier parce que ton corps il est plus beau ou plus fort. Hein, t'es plus musclé, t'es plus costaud, t'es plus fort. Ou bien, tu as plus d'enfants. Tu dis, moi j'ai une dizaine d'enfants, j'ai beaucoup d'enfants. Hein? Allah, il m'a béni. Allah, il m'aime plus parce qu'il m'a donné plus d'enfants. Non, ça ne veut rien dire. Parce que tu as des palais, des terrains, des propriétés, des grandes villas. Tu penses que ça, c'est quelque chose qui détermine ce qui te rend meilleur que les autres parce que tu as des grosses voitures ou des choses comme ça dans les choses de la dunya? Il dit, le cheikh, ça ne veut rien dire du tout. La seule chose qui est importante vraiment pour Allah, c'est que Allah t'ait donné le succès pour avoir at-taqwa, c'est-à-dire de te préserver d'Allah et de son châtiment en faisant ce qu'il t'a ordonné de faire et en t'écartant de ce qu'il t'a interdit. Et ça, c'est une grâce que Allah t'a fait. S'il t'a fait ça, alors sois reconnaissant envers Allah et glorifie Allah si tu as obtenu cette grâce. Il dit ensuite, « Wa'lam anna l'a'mala bin niyat wal quloub hiya allati alayha al-madar. Wa kam min insanin ظاهر عمله أنه صحيح وجيد وصالح ولكن لما بني على خراب صار خرابا النية هي الأصل تجد رجلين يصليان في صف واحد مقتدين بإمام واحد يكون بين صلاتهما كما بين المشرق والمغرب، لأن القلب مختلف، أحدهما قلبه غافل بل ربما يكون مرائيا في صلاته والعياذ بالله، يريد بها الدنيا، والآخر قلبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينهما فرق عظيم. فالعلم على ما في القلب، وعلى ما في القلب يكون الجزاء يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي تختبر السرائر لا الظواهر. في الدنيا الحكم بين الناس على الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع أو بنحو ما أسمع، ولكن في الآخرة العلم على ما في السرائر. نسأل الله أن يطهر سرائرنا وإياكم. نعم. فإذا كانت السريرة جيدة صحيحة فأبشر بالخير، وإن كانت الأخرى فقدت الخير كله. قال الله عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالعلم على ما في القلب. نعم. Donc ici le cheikh il explique. Il dit: sache que les actions seront jugées selon les intentions et les cœurs. Tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de cette question du cœur et des intentions. Donc il dit: combien d'êtres humains, en apparence, ils font une action qui est bonne, et en réalité, cette œuvre, elle est basée sur qu'est-ce qui est corrompu. Alors, elle devient corrompue, cette action-là. Pourquoi? Parce que l'intention, elle n'était pas bonne. Et donc, la base, le plus important, le fondement, ça doit être l'intention. Il dit: tu vas trouver qu'il y a deux hommes dans un même rang qui sont en train de faire la salat, un à côté de l'autre. Et tous les deux prient derrière le même imam. Mais un d'entre eux, sa prière est totalement différente de l'autre. Et la distance qu'il y a entre ces deux prières-là, c'est équivalent à l'est et l'ouest. C'est-à-dire, l'écart qu'il y a entre ces deux prières, c'est comme l'écart de l'est et de l'ouest, tellement qu'ils sont différents. Pourquoi? Parce que le cœur de l'un, il est dans l'insouciance. Il pense à d'autres choses. Il n'est pas concentré dans sa prière. Ou peut-être même qu'il est en train de prier juste pour que les gens le voient prier. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et il veut uniquement la dunya. C'est pour ça qu'il prie. Il dit: tandis que l'autre, son cœur est présent dans sa prière et il ne veut rien d'autre que le visage d'Allah et de suivre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la différence entre les deux, elle est immense. Et tout est basé sur la connaissance de ce qui est dans le cœur. Et c'est qui est-ce qui connaît ce qu'il y a dans le cœur? Personne excepté Allah. Et donc, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger selon ce qui était dans les cœurs. Il va juger uniquement selon ce qui est dans les cœurs. Et il cite le verset dans Sourate Tariq, le verset 8 et 9. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui était apparent qui va être jugé. C'est ce qui était caché. Il dit: quand c'est le jugement par rapport à la dunya, quand on juge entre les hommes, dans cette dunya, on juge selon ce qui est apparent. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « Je ne juge que selon ce que j'entends. Mais dans l'au-delà, la connaissance sera, le jugement sera basé sur la connaissance de ce qui est dans les cœurs. » Et on demande donc à Allah, subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah, on demande donc à Allah de faire en sorte qu'il purifie nos cœurs, ainsi que vos cœurs. Et il dit, si ton cœur et ton intérieur, il est bon, alors réjouis-toi du bien. Mais si c'est autrement que le bien, et que tu as perdu tout le... ton cœur, il n'est pas bon, alors dans ce cas-là, tu as tout perdu. Et il cite le verset 9 et 10 dans Sourate Al-Adiyat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ne sait-il pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé et que ce qui sera dévoilé ce qui est dans les poitrines. » Hein? Donc ça veut dire que ce jour-là, la référence sera pour le jugement ce qui est dans les poitrines. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, même si on n'a pas terminé l'explication. Mais la prière, elle approche. Donc on va s'arrêter maintenant. Puis on continuera, bi'idhnillah, au prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.